Dans ce cinquième épisode des Constructeurs à une seule victoire, nous allons parler d'un projet sincère, l'alliance d'un nom légendaire et d'un grand motoriste. Pas de promesses démesurées, mais une ambition claire, celle de bien faire et de progresser pas à pas. Après une montée en puissance remarquable, une seule victoire viendra récompenser l'effort. Elle aurait pu marquer le début d'une longue histoire, mais dans une F1 en pleine industrialisation, il n'y avait plus de place pour les structures modestes. Celle-ci restera comme l'un des derniers exemples d'une équipe indépendante ayant réellement tenu tête aux grandes équipes. J'ose le dire, je te fais l'honneur de parler d'une des équipes que je devrais adorer, mais bon, vu que tu l'as un petit peu mieux connu que moi, parce que t'as suivi la F1 un peu avant moi, je te laisse la parole. Moi, j'ai connu cette équipe après son rachat par Jaguar, Stewart's Grand Prix, équipe éponyme d'un de mes héros de l'histoire de la Formule 1. Donc voilà, c'est une petite entreprise familiale, mais je te laisse la présenter mieux que je ne le pourrais. Ce qui est amusant, c'est que ça a cette image d'entreprise familiale, mais c'est une équipe mi-constructeur, parce qu'il y avait Ford derrière. À la base, le projet était poussé par Ford, parce que Stewart ne l'aurait jamais fait seul, parce que Ford avant était motoriste de Sauber et savait qu'il ne pouvait pas faire grand chose. Et du coup, Stewart s'est lancé avec son fils Paul, ancien pilote jusqu'en F3000 et qui ensuite est devenu patron d'écurie. 97, du coup, nouvelle équipe, partie entre guillemets de rien. Et je précise qu'à l'époque, ils avaient dû régler une caution pour rentrer au championnat de 48 millions de dollars. Je m'en souviens parce que c'est le temps, le montant est souvent resté, que l'État avait également dû régler ça. Donc, on part avec ce que Cadillac devait régler en 2025 comme une différence de traitement de et de demande pour rejoindre la F1 de nos jours. Après, c'est vrai que je parle d'entreprise un peu familiale, entre guillemets, parce que Stewart et Ford, c'est une histoire un peu, on va dire d'amour, mais faut savoir que Jackie Stewart, quand je dis que c'est le premier pilote professionnel, c'est pas pour dénigrer Stirling Moss, Graham Hill, Jim Clark, loin de là, parce que c'était des monstres de travail, ces gars-là. Mais Jackie Stewart, c'est le Cro-Magnon du pilote de Formule 1 aujourd'hui, parce que c'est le premier qui allait signer faire du business de sa carrière pour pouvoir en vivre parce que justement il voulait pas juste avoir à courir pour vivre, parce qu'à l'époque, bon, gagner des grands prix ça permettait de bien vivre, mais tu vivais pas avec ça non plus. Mais du coup, enfin voilà, je sais qu'avec Ford il avait déjà des contrats de promotion dans les années 70. Je sais pas si c'est dans Weekend of a Champion, mais bref, j'ai déjà vu des images de documentaire où tu le vois signer des t-shirts Ford, Stewart pour l'offrir aux fans, tout ça, enfin voilà. Donc, il a toujours joué de cette image, avec plein d'autres partenaires, on va pas tous les nommer. Et naturellement, quand son petit s'est lancé la course automobile, ce qui l'a naturellement rendu malade parce que c'était son pire cauchemar, les relations avec Ford se sont faites, et je sais plus dans quelle catégorie était l'équipe du fiston, dont j'oublie toujours le prénom. Paul, merci. C'était un projet Ford, mais effectivement, le fait d'avoir Paul Stewart d'accrocher, ça pouvait être bien pour le nom. Et en plus, ils ont un petit peu milité, un peu insisté pour que Jackie vienne y mettre son empreinte, parce que c'est Jackie Stewart, quoi. C'est comme si demain, une équipe, j'allais dire Prost, mauvais exemple. une équipe Schumacher, Schumacher, mauvais exemple, merde. Il est encore en piste, merde, mauvais exemple. Raikkonen, allez, une équipe Raikkonen qui se pointe. Ah, oui. Il faut qu'il y ait Kimi Raikkonen qui fasse au moins semblant d'être directeur d'équipe, tu vois. Et pour te répondre, l'équipe Stewart était bien engagée en F3000. Donc F3000, je rappelle, l'ancêtre de la F2 d'aujourd'hui. Ouais. Mais du coup, Stewart qui était engagé jusqu'en 95, après 96, ils ont préparé le terrain, et parce que Stewart, en bon pragmatique, a voulu faire le mieux possible pour s'engager. Et il faut savoir que le premier châssis Stewart a été le premier châssis réalisé à l'informatique, donc sans soufflerie. C'était dans les balbutiements, donc apparemment c'était le premier à l'avoir fait, donc une petite nouveauté à ce niveau-là. Donc pas une équipe blanche qui a été soutenue par HSBC, la banque chinoise ou Singapour, de Hong Kong. Donc, un petit point commun avec Jordan, c'est qu'il a été soutenu par une office de tourisme, parce que Jordan c'était l'office de tourisme irlandaise, Stewart par l'office de tourisme, non pas écossaise, mais de Malaisie. Mais bref, Stewart, qui cela dit, n'a pas tant brillé. Beaucoup de soucis de fiabilité en 97. Enfin, il n'a fini quasiment aucune course, sauf une à Monaco, où non seulement l'équipe a tenu, mais en plus a fini deuxième, grâce au Bridgestone excellent sous la pluie, et Barrichello excellent dans sa condition, qui a fini deuxième derrière Schumacher, l'histoire de sa vie. Le coup. Et donc, ouais, Barrichello, qui, après avoir un peu déçu chez Jordan, s'est refait une réputation et a attiré la meilleure partie de Stewart. Dès que des points pouvaient être marqués, il le faisait. Donc, ce podium en 97, les seuls points de Stewart. 98, deux fois cinquième, en Espagne et au Canada, en dominant copieusement Jan Magnussen, le père de Kevin, qui était vu comme un futur prodige à l'époque et qui a énormément déçu. Ça me rappelle un certain Kevin M dans les années 2010. Au moins, lui a eu un podium d'entrée. Ce qui est ironique, c'est que techniquement, Magnussen avait débuté pour McLaren. Il a remplacé Hakkinen à Haïda en 95. Et du coup, Barrichello s'est associé ensuite avec un autre père de non connu, à savoir Jos Verstappen, qui domina copieusement aussi. Là, Barrichello s'est vraiment fait une réputation au point que normalement, Williams avait essayé de le débaucher, mais Stewart avait demandé un trou recaché pour le libérer. On est cossé ou on n'en est pas. Et puis, du coup, 99, une saison très ouverte au niveau midfield, une saison que j'apprécie beaucoup pour le coup, et Stewart va réaliser un excellent châssis, donc la SF03, et qui, là, sans avoir corrigé les défauts passés, Ford avait totalement racheté Cosworth et avait eu un tout nouveau moteur très léger et qui marchait enfin bien. Et là, on se retrouve avec des performances qui dépassent les espérances. Dès le premier Grand Prix, Barrichello se retrouve quatrième sur la grille de départ et aurait même pu jouer le podium sans avoir été pénalisé. Brésil, qualifié troisième, puis menant un temps devant les siens pour finalement, hélas, renoncer pour casse moteur. En même temps, Barrichello, malchanceux devant les siens, quoi de nouveau. Bref, c'est certes plusieurs points perdus, mais quand même plusieurs points marqués, plusieurs passes d'honneur, un podium à Saint-Marin, un podium en France où il a réalisé la pole sous la pluie, sa deuxième pole en Belgique 94. Encore une fois, Barrichello sous la pluie, là encore quoi de nouveau. Mais là, donc Barrichello qui impressionne beaucoup et qui a réussi à séduire Ferrari quelques années après avoir vu l'occasion passer sous son nez au profit d'Irvine. Vraiment, voilà, un des outsiders de luxe, une place magnifique, avec un équipier, Johnny Herbert, un des galurons de la F1 à ce moment-là, mais qui souffrait de la comparaison. Il a déjà souffert face à Alesi en 98 chez Sauber. On s'est dit que Herbert glissait un peu vers la fin de carrière, était plus vraiment au même niveau, lui qui n'était déjà jamais à 100%. Parce que je rappelle que Herbert, un des grands talents de l'époque, a eu un gros crash en Austrobile en 88 à Brandzach et qui n'y s'est jamais totalement remis de ses blessures. Tout le talent qu'on voyait chez lui à l'époque, il était jamais 100%. Je sais plus quel jambe alors, ou pied n'était pas plus rétabli, mais Moi j'ai que le recul historique parce que j'ai pas vraiment vécu cette époque, mais je sais que Herbert, quand on parle de lui, c'est un des plus gros what if. Qui soit, et ce qu'il a accompli dans sa carrière en Formule 1 est déjà un exploit en soi parce que il souffre encore de cet accident. C'était au pied gauche, si je dis pas de bêtises, parce que je sais que c'est le pied du frein. C'est vrai que Herbert, ça reste un des meilleurs débuts de l'histoire, parce que quatrième sur Benetton en 89, alors qu'il ne pouvait pas rentrer de la voiture ni en sortir par ses propres moyens. Rien que ça. Et donc, mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu Johnny à 100%. Et 99, c'était pas sa meilleure année. Barrichello le dominait pour le coup. Il n'avait marqué que 2 points jusqu'à ce Grand Prix fatidique du Nürburgring. Du coup, on se dit s'il y avait une perf de Stewart, ce serait plutôt de Barrichello. Et du coup, ce Grand Prix nous a pris à revers, mais bon, nous a pris à revers un bon paquet de fois. Déjà, on commençait bien, avant même qu'on ait un seul tour, parce que au championnat, nous avions Irvine et Hakkinen. Oui, je rappelle, il y a Irvine lutté pour le titre mondial en 99. Oui, enfin, pas besoin d'épiloguer là-dessus, s'il te plaît. Mais du coup, égalité entre Hakkinen et Irvine, 60 points chacun, devant Frentzen, 50 points, et Coulthard, 48. Et d'ailleurs, Irvine qui allait rejoindre Stewart, mais Stewart plutôt Jaguar, parce que plutôt dans l'année, Ford avait senti que c'était le bon moment pour racheter l'équipe. Et Stewart, qui savait que c'était l'ère des constructeurs qui ne pouvaient pas perdurer à ce niveau-là qu'avec un partenariat semi-officiel. Et du coup, au Canada, on a officialisé Ford aller racheter Stewart à 100% et s'aligner en demi sous le nom de Jaguar pour mettre en avant une marque du groupe, une marque qui avait eu ses heures de gloire dans le sport auto, y compris au Mans dans les années 90. Du coup, c'était pas anormal de voir ce nom-là, même si le succès fut tout autre. Mais nous n'en étions pas encore là avant qu'on prenne le départ. Et dès le départ, on se retrouve avec une incongruité, parce qu'on a eu un faux départ. Et quand je dis faux départ, eh ben, c'est littéralement le cas, parce que c'est pas le temps de un qui a calé et on repart. A priori, je crois pas que ça a été officiellement confirmée. Oui, c'est pas besoin de l'officialiser, hein. Voilà, c'est que ben les feux rouges ne sont jamais effacés, mais certains sont quand même partis parce que l'extinction des feux était aléatoire. On pouvait la mettre une seconde après, deux secondes après. On pouvait là, il y avait c'est pour éviter justement de certains soucis. Or, certaines équipes avaient piraté les ondes radio de Dalton Course. Et du coup, ils pouvaient du coup se calquer sur à quel moment ça allait partir pour vraiment partir au dixième près et des fois virtuellement anticiper le départ. Et du coup, pour tester, pour voir qui pouvait avoir cette astuce ou pas, la direction de course a fait mine de lancer, mais en fait non, le départ. Et c'est pour ça que quelques pilotes ont démarré et pas d'autres. Officiellement, c'était Marc Genet qui s'était trompé de place, qui était parti du fond de grille. Pour avoir revu la course un bon paquet de fois, parce que c'est littéralement ma course préférée de la F1, de ma génération. Les images n'étaient pas HD à l'époque, du coup c'était pas très clair. Et même les commentateurs eux-mêmes sur TF1 n'avaient pas tout compris. Donc c'est que après qu'on a vu que Genet en fait partie du fond de grille. Là, on partait bizarrement. Puis vint le premier virage qui était toujours tendu. C'était la version chicane, pas la version épingle. Et on a à mon sens un des accidents les plus effrayants de cette génération, puisqu'on a eu Damon Hill qui était au ralenti, qui était en première vitesse, deuxième vitesse, je ne sais plus, et qui du coup a provoqué la panique. Et Wurz Polewite a donné un coup de volant sérieux qui a fait propulser Denise Antonov et qui a massacré son assaut de sécurité et qui a fini complètement, littéralement à l'envers, sans pouvoir se sortir par ses propres moyens. Heureusement, il a pu être dégagé. Il y avait un siège baquet qui permettait qu'il soit retiré sans avoir d'imprécision au niveau du dos, l'inverse de ce qui s'est passé pour Philippe Strife en essai en 89, par exemple. Et heureusement, Diniz est ressorti avec juste quelques bleus, ni plus ni moins. Il était parfaitement indemne et s'en est bien sorti. Mais vraiment, un accident terrifiant parce que voir l'assaut de sécurité cédé comme ça, c'est pas quelque chose qu'on a vu très souvent, y compris dans la F1 actuelle. Le plus proche qu'on ait eu, c'est Zhou en 2022 à Silverstone, durant l'accident qu'on sait. Mais là, donc c'est normalement une pièce qui est très solide, que les crash tests, sur lesquels les crash tests insistent beaucoup. Donc de le voir cédé comme ça, c'était assez rare et dangereux, mais heureusement, il n'y a pas eu de soucis. Ensuite, le récit complet de cette course est assez compliqué, tant il s'est passé de choses. Pensez juste que la pluie a un peu fait des siennes en venant, en allant et venant, sans forcément que ce soit très clair, et prenant de vitesse plusieurs pilotes et équipes, y compris chez les favoris. Nous avons eu Hakkinen qui s'est arrêté une première fois pour cette première inverse qui n'a pas duré et qui a du coup dû remettre les slicks peu de temps après et qui restait en fond de peloton parce qu'ils ont fait le plein jusqu'à la fin de la course. Et du coup, Hakkinen a plus assuré qu'autre chose. Donc déjà ceci. Ensuite, Irvine devait s'arrêter, sauf qu'on s'est rendu compte, déjà on s'est rendu compte de 1, que la pluie s'arrêtait qu'il allait mettre des pneus secs. De 2, Mika Salo, qui était le remplaçant de Schumacher, s'est arrêté avant lui car avait perdu son aileron sur un cône son vibreur de la dernière chicane. Il avait du coup pris les pneus qui étaient adressés pour Irvine. Ce qui fait que dans tout ce tohu-bohu, pour reprendre la phrase dite très calmement par Pierre Van Vliet, il manque une roue incroyable. Et je le dis de façon calme pour ne pas péter vos oreilles. Vous pouvez retrouver l'extrait vous-même, mais ne l'écoutez pas avec écouteurs. Voilà, c'est pas terrible. Et il s'avère en fait que c'est carrément un caméraman d'une télé, je sais plus si c'est la télé italienne ou britannique, mais un caméraman d'une réalisation télé qui a retrouvé le pneu manquant pour Ferrari. Je rappelle que ça s'est fait durant l'ère Todd Schumacher, pas durant l'ère Binotto. Et je sais même pas si Binotto était déjà dans l'équipe à ce moment-là. Enfin, vérifier. Mais bref, du coup, il y a deux favoris éloignés à ce moment-là. Et du coup, on avait Frenzel en tête devant Ralf Schumacher sous Williams. Ralf Schumacher qui faisait, pour moi, la meilleure saison de sa carrière. Parce que son Williams qui avait moteur Supertech, le moteur Renault 97 réactualisé et revendu par Briator, qui était pas encore revenu chez Benetton en ce moment-là. Donc voilà, donc les deux Allemands en tête, le public pouvait être content, encore que ils étaient moins nombreux parce que pas de Schumacher, enfin pas de grand Schumacher, parce qu'il y avait quand même Ralf. Donc déjà un duo assez particulier. Mais le prochain tournant vint après le premier ravitaillement de Frentzen et Coulthard qui se sont arrêtés en même temps, puisque après ce ravitaillement, Frentzen s'est arrêté, hélas, sur une panne technique. Une panne technique que l'équipe avait couverte à l'époque, tendant que c'était un problème technique de leur part. En vérité, on a appris bien après que c'était une erreur de Frentzen, parce que Frentzen, il y avait une procédure à accomplir sur la Jordan juste après l'arrêt au stand que Frentzen n'avait pas faite. Et en fait, parce que son ingénieur n'avait juste omis de lui rappeler. Puis vint la première vraie inverse qui allait provoquer la sortie de Coulthard qui échoua dans les pneus, lui aussi exclu virtuellement de notre course pour le titre à ce moment-là. Et du coup, on retrouvait Ralf Schumacher, qui en a fait une course magistrale parce que là où certains se sont arrêtés pour mettre les pluies, Ralph est resté en sec de bout en bout. Il n'est pas sorti. Et il a vraiment eu, évidemment, été inspiré, une grande maîtrise sur Williams, qui n'était pas la meilleure, pour le coup, qui était vraiment un outsider de luxe aussi, quelques podiums par-ci par-là. Et vraiment, Ralph, de tous les pilotes en dehors de Frentzen, était celui qui méritait le plus la victoire à ce moment-là. Sauf que, alors déjà, après un arrêt, c'est Fisichella sur Benetton qui s'est retrouvé en tête. Possiblement une première victoire pour lui qui pouvait arriver, sauf que Fisichella est parti en tête à queue et a dû renoncer. Une erreur. Alors, à l'époque, il avait dit que c'était sa confusion sur qui est sa faute, qui n'est pas la faute. Eh ben, Fisichella a dit que c'était sa faute, sauf que en relisant sa TF1, apparemment, son appui-tête s'est décroché. Apparemment, il a arrêté de tomber par ça et tête à queue, abandon. La première victoire de Fisichella arrivera plus tard dans une autre course animée niveau pluie. Du coup, après Frentzen, après Coulthard, après Fisichella, on devrait se dire que Ralph allait l'emporter. Non, une crevaison arrive pour lui. Pierre Van Vliet qui disait que le leader de la course devait être Bodhi ici, et vous pouvez presque y croire. Et du coup, cette victoire qui aurait pu lui revenir et donc qui aurait mérité, la ramener plus tard. Et du coup, dans tout ça, pas de Frentzen, pas de Coulthard, pas de Ralph qui était parmi les premiers, pas Fisichella qui était dans le top 6, pas Kinen, Parvan qui sont plus loin. Du coup, bah, qui était en tête, eh ben, on y revient. Social de Johnny Herbert. Et pourtant, Herbert partait 14e devant Barrichello 15e. Qu'est-ce qui a fait que Herbert était devant? Eh ben, en fait, Herbert a chaussé les bons pneus au bon moment, tout simplement. Durant la première vraie averse qui a eu lieu quand Coulthard est sorti de la piste, eh ben, Herbert a mis les pneus pluie à ce moment-là. Et ensuite, a chaussé les pneus secs au moment où ça s'est vraiment calmé. Et du coup, il a pu passer ceux qui se sont arrêtés soit plusieurs fois, soit ceux qui sont restés en slick. Et c'est ce qui a fait que Herbert s'est retrouvé en tête. Devant Yano Trulli. Oui, Trulli sur Prost Peugeot, qui lui s'est arrêté trois fois. Une fois sec, une fois pluie, une fois sec. Et Barrichello qui s'est arrêté une fois en sec jusqu'au bout. On a trois stratégies différentes pour dire que souligner le côté aléatoire de cette course. Mais c'est pas tout parce que, voilà, cette course-là, on a également eu une image dont je ne suis toujours pas remis 26 ans après. Parce que quand on vous dit Europe 99, on pense course animée, Luther Stewart et le cabot dehors. Quatrième sur Minardi. Lui qui n'avait marqué aucun point, ce qui était injuste. Juste, lui qui s'était trouvé lésé par Ferrari parce qu'il était pilote d'essai, mais on lui a préféré Salo. Verdu est quatrième, le meilleur résultat de Minardi, sa boîte lâche peu de temps avant l'arrivée et ses larmes, son désespoir faisait peine à voir et me fait toujours peine à voir à ce jour, surtout quand on sait qu'il est plus connu pour son intérêt malheureux de 2009. Encore une fois, je trouve que c'est profondément injuste parce que Badoer était un pilote qui méritait mieux que ce record de Grand Prix sans points. Donc voilà, une image tragique. Mais dans tout ça, c'est aussi un Grand Prix qui était valable pour le titre parce que Hakkinen est remonté, il doubla Irvine pour les points et a réussi à finir cinquième, marquer deux points, à l'époque deux points. Hakkinen remporta le titre 99 pour deux points face à Irvine. Qui finit septième, derrière une Minardi, c'est de Marc Genet, Minardi qui marquait ses premiers points depuis 4 ans. Parce qu'encore une fois, que le top 6 à l'époque, les points valaient énormément. Voilà. Dans tout ça, là, faire le résumé de cette course est compliqué. Je soulignerai aussi la très belle résistance de Trulli face à Barrichello. Trulli qui a résisté tel un Alonso. Vraiment, retrouve les images, il a été très propre et très bon. Ça montrait les nerfs de Yarbo avant que la légende du Trulli arrive. Mais voilà, dans tout ça, une victoire improbable. Deux anciens pilotes devenus patrons d'écurie sur le podium. Puisqu'on a du coup Stewart vainqueur et Prost qui faisait son meilleur résultat. Hélas, le dernier podium de Prost. Mais ce qui est aussi beau, c'est que non seulement Stewart a pu gagner une course, en gagner une juste avant que son équipe prenne un autre nom, mais en plus, il l'a fait au Nürburgring. C'est ce circuit légendaire qui a participé à sa légende. La chevauchée de 68 sous la pluie, sous la verse, sous le brouillard de fin du monde, où il a gagné 4 minutes d'avance devant tout le monde. C'est aussi le Grand Prix où c'est aussi le circuit sur lequel il a remporté sa dernière victoire, la 27e, techniquement. Teddy Stewart a remporté sa 28e victoire au Nürburgring. Et donc du coup, je trouve que la boucle était bouclée et c'était vraiment très très beau à voir. Justice était rendue pour Jackie avant qu'il cède la place à Jaguar pour une épopée beaucoup moins glorieuse. Le Grand Prix est posté de manière totalement légale sur YouTube en intégralité à plusieurs reprises et de manière encore plus légale en résumé de 7 minutes 17 sur la chaîne officielle. Donc voilà, on peut s'en sortir. Que 7 minutes ?